vision of November 26th. J'ai partagé pour la vision du 26 novembre. When he finally showed me how they sleep in the dust of the earth. Il m'a montré comment ceux qui dorment dans la poussière de la terre will be woken up, resurrected, to catch up with the Lord in the sky. Qui seront réveillés, ressuscités, enlevés avec le Seigneur dans les cieux. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. And I found out that is the same conversation he has had with Daniel. Et j'ai vu que c'était la même conversation qu'il avait avec Daniel. It was amazing in Daniel chapter 12. C'était merveilleux dans Daniel 12. Before I go there, let me say something that is in my heart. Avant d'aller, laissez-moi dire quelque chose qui est sur le cœur. Many times people can come, let's say you come from Africa or come from another country. Des fois les gens viennent, ils viennent de l'Afrique ou d'un autre pays. You want to pastor, you see you are full of fire, I am anointed, I want to pastor, I want to start a church here in Canada. Ils viennent et disent, ils sont remplis de feu, je veux commencer une église ici au Canada. You are known for your righteousness even where you were preaching. Et on vous connaît pour votre justice même là où vous prêchiez avant. But when they come here, mais lorsqu'ils arrivent ici, very quickly they get compromised into the system. Très rapidement ils se compromettent dans le système. No more rebuking sin. Ils réprimandent plus le péché. He's already struggling about the things of the earth. Ils commencent à se battre pour les choses du monde. Big car, big home, big what? Les grandes maisons, les grandes voitures, les grands quoi? You are the salt of the earth. Vous êtes le sel de la terre. And the Bible says that when the salt loses its saltiness, la Bible dit lorsque le sel perd sa saveur, there's no other use than to throw it, trample, men walk on it. Il y a plus de valeur, les gens vont le jeter et marcher dessus. But anyhow, in that vision, mais dans toute façon, dans cette vision, on the rapture of the dead, pour l'enlèvement des morts. And I thought it was an earthquake. J'ai cru que c'était un tremblement de terre. As the Lord had lifted me above the sky. Quand le Seigneur m'a enlevé, above the earth. Le Seigneur m'a enlevé dans les cieux de la terre. And then later I realized it was the wedding of the Lamb taking place. Et plus tard j'ai compris que c'était le mariage de l'agneau qui s'obtenait. Because people in their glorious bodies were leaving their tombs. Car les gens de leur corps glorieux sortaient de leur tombe. There was so much dust and the tombs will physically open on that day. Il y avait tellement de poussière et les tombeaux étaient ouverts physiquement ce jour-là. Listen to me, precious people. Écoutez-moi bien aimé. And then after that, et après cela, I saw them caught up in the pure glory of the Lord and heaven opened and they entered. Et ils ont été enlevés dans la pure gloire de Dieu et ils sont entrés dans le paradis. And I asked you, what is the revelation he is giving to the church in that vision? Et je vous ai demandé quelle est la révélation qu'il donne à l'église dans cette vision-là. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. And I read with you Daniel chapter 1, chapter 12, verses 1 to 3. Et j'ai lu avec vous Daniel chapitre 12, 1 à 3. And you see that Daniel was seeing what is happening today. Et je dis que Daniel voyait en ce moment-là ce qui se passe aujourd'hui. Daniel is the prophet of the Lord that prophesied from the east. Daniel est le prophète de l'Éternel qui a prophétisé de l'Orient. But he was seeing what we are going through today. Mais il voyait ce qui se passe maintenant. And he was seeing that there will be a distress as has never been seen since the creation of nations until then, which is now. Il a vu la détresse qu'il y aura, qui n'a jamais eu juste depuis la fondation du monde jusqu'en ce moment présent. And I said, when the Lord sent me to prophesy the first Asian tsunami. Et j'ai dit, lorsque l'Éternel m'a conduit à prophétiser sur le premier tsunami asiatique, everybody was shocked. They said, what kind of prophecies are those? Tout le monde était choqué. Quel genre de prophétie est-ce? In fact, I remember some pastors approached me and said, no, he promised never to kill by floods. Il a dit, il y a des pasteurs qui sont venus me dire, non, non, il a promis qu'il va garder. When it happened 1 month after the prophecy, lorsque c'est arrivé 1 mois après la prophétie, every word to the letter was fulfilled. Toutes paroles de la lettre ont été accomplies. I said, historic it will be. Et j'ai dit, il a dit, et cela sera ainsi. And it will change the course of history of the earth. Et ça va changer le cours de l'histoire de la terre. And it will mark the beginning of bad times. Et ça va marquer le commencement des nouvelles choses. Yes, it took place. Cela a eu lieu. And surely from then on. Et sûrement à partir de là. The beginning of bad times have raged on. Les douleurs de l'enfantement ne se sont qu'accentuées. July 10th. 10 juillet. And I said it is coming, it has an eye, it's coming to New Orleans if they don't repent from homosexuality, false prophets, the gospel of prosperity, the lies, the witchcraft, everything. July 10th, July 11th, 2005. 2005. Like a month after that, August 29th, what happened at New Orleans? Quelques mois plus tard, 29 août, qu'est-ce qui s'est passé à Nouvelle-Orléans? Daniel was talking about distress of these days. Daniel parlait de la détresse de ces temps présents. As have never been seen before. Comme qui n'avait jamais été vu avant. After that Iranian quake, Russian quake, what? Historic, I said historic, historic, historic. When they came in the news, they said, since 1900, such an earthquake has never hit Russia. Since what? Historic, historic. Even the recent Greek earthquake, just hours before it happened on Radio Live. That is what Daniel was saying. He was saying, as Christians, you cannot watch news just like the secular world. Daniel disait, en tant que chrétien, vous ne pouvez pas regarder les nouvelles comme le monde séculier. You need to be enlightened. There are spiritual landmarks. Vous devez être éclairé. Il y a des signes spirituels dans ces choses. That when you see, you know the coming of the Lord is near. Quand vous les verrez, vous comprenez que le retour du Seigneur est proche. August 19th. 19 août. Before the big meeting, the 2 million plus. Avant la grande réunion de 2 millions, de plus de 2 millions de personnes. And in fact, I broke it on that meeting. En fait, je l'ai révélé, détaillé dans cette réunion-là. Just last month. Le mois passé. And I said, in that vision, he opened heaven and the black horse came and ran across the sky and all over the earth. Et dans cette vision, j'ai vu le cheval noir est sorti et a couru sur toute la surface de la terre. Only to find it in the book of Revelation, chapter 6, verse 5. Juste pour trouver ça dans Apocalypse 6, verset 5. And you see that the rider of that horse is walking with a scale. He's riding, he has a scale on his hand. Et on voit que celui qui monte le cheval noir a une balance dans sa main. He talks about the economic hardship that we hit the earth. Il parle des difficultés économiques que nous aurons dans la terre. The crush of the financial systems. La chute des systèmes financiers. The crush of the market systems. La chute des marchés financiers. The distress of these days. La détresse de ces temps présents. In Matthew 24 verse 8, he says, these are the beginnings of bad pain. Dans Matthieu 24, 8, il a dit, ce sont les commencements de la douleur d'enfantement. People will lose their homes. Les gens vont perdre leur maison. People lose their businesses. Les gens vont perdre leurs affaires. People lose their jobs. Les gens vont perdre leur boulot. There will be economic stress. Il y aura des stress économiques. On top of the other distress. En plus de ce, des autres stress. And I said, when you look at your news now, what do you see? Et je dis, regardez dans vos nouvelles, qu'est-ce que vous voyez? Barely a month since I said it. Il y a juste un mois que je l'ai dit. A complete collapse, a knockout. Un chaos total. Why would God speak to me about those things and they happen? Pourquoi Dieu me dit ces choses et elles arrivent? I said it yesterday, I'll repeat it here. Je l'ai dit hier et je le répète maintenant. Listen very, very carefully here. Écoutez-moi attentivement. In 2004, when I said, prepare the way, John the Baptist has spoken with me, nobody believed there was time to prepare the way. En 2004, lorsque Jean-Baptiste m'a dit, préparez la voie, personne ne m'a cru lorsque je l'ai dit. Because everybody was comfortable. Parce que tout le monde était à l'aise. They said, but the Lord said there will be distress, there will be things, bad, big things happening on earth before that. How come you're saying and we don't see them? Le Seigneur a dit que les choses, les grandes choses, les tremblements de terre vont arriver avant cela. Mais comment est-ce qu'on ne voit rien? But now you can see them. Mais maintenant, vous pouvez les voir. Now is that people are now doing national repentance meetings. National churches are repenting and revival. They are harvesting souls. They are breaking walls. Now they are beginning to understand. Maintenant, les gens commencent à comprendre. Ils ont des réveils, des grandes réunions de réveil. We are going to a baptism where we know, I know it's going to be 500,000 people. I don't know how many weeks I'll spend in water. Nous allons bientôt avoir un baptême où il y aura à peu près 700 000 personnes. Je ne sais pas combien de jours je serai dans l'eau. Isn't that the mighty end revival he talked about? The largest baptism on the earth, right? It will take place. N'est-ce pas que c'est le dernier baptême sur la terre qui aura lieu? The last time I did it, 3 days in water, I don't know, 10,000, how many were baptized? Every disease remaining in the water until today, they are giving testimonies. Et la dernière fois que j'ai eu, j'étais pendant 3 jours, toutes les maladies étaient restées dans l'eau. Oh, jusqu'à ce jour, il y a toujours des témoignages. The end time revival is huge. Le réveil de temps de la fin est grand. Don't miss it. Ne le ratez pas. But I said, mais j'ai dit that economic collapse, la chute financière leads to social collapse. Va conduire à la chute sociale. And when there is such a huge collapse, lorsqu'il y a une très grande chute comme cela, banks are collapsing. Les banques sont en train de chuter. Systems are collapsing. Mortgage systems, insurance systems. Les banques, les systèmes d'hypothèque, les systèmes d'assurance. The earth will become ripe. La terre sera mûre. For the antichrist, the antichrist. Pour l'antichrist. For one person to rise up and take authority over things. Pour une personne de se lever et prendre autorité sur toutes choses. It is time for the church to mature. C'est le temps pour l'église de devenir mature. The wedding of the Lamb is not a fiction. Le mariage de l'agneau, ce n'est pas une fiction. Jesus preached a lot about hell. Jésus a beaucoup prêché sur l'enfer. That they may not go there. Afin qu'ils n'aillent pas là-bas. I have to tell you the tribulation he has spoken to me about, that you may not go there. Je dois aussi vous dire la tribulation dont il m'a parlé, afin que vous n'y allez pas. And when you see these things, then you know any minute now he's going to snatch the bride. Et lorsque vous verrez ces choses, vous comprenez qu'à n'importe quelle minute maintenant, il pourra enlever son épouse. That is the only reason the Lord can speak to me about them and we see them in the news. Et c'est la seule raison pour laquelle le Seigneur peut m'en parler et que vous le voyez dans les nouvelles. Daniel 12, he says, those who are wise will shine like the brightness of the heavens. Dans Daniel 12, il a dit, ceux qui sont justes vont briller comme la clarté du ciel. And then he says, those who lead many into righteousness like the stars forever and ever. Et ceux qui vont conduire plusieurs à la justice de Dieu vont briller comme les étoiles à toujours et à perpétuité. In other words, the Lord is telling the church. En d'autres mots, l'Éternel dit à l'Église. Please. S'il vous plaît. It is time to be wise. C'est le temps d'être sage. Let us return to the wisdom of God. Retournons à la sagesse de Dieu. And only the Holy Spirit can release the wisdom of God into the church. Seul le Saint-Esprit peut libérer la sagesse de Dieu dans l'Église. The wisdom of God. La sagesse de Dieu. Is the fear of the Lord. C'est la crainte. When the spirit grows big, the flesh is completely undermined. Lorsque l'esprit grandit, la chair est diminue. I rebuke them until now wisdom has entered them. Je les réprimande jusqu'à ce qu'au ce jour, afin que la sagesse entre là-bas. And now they are repenting in the open. They come say, oh, I did this. Oh, another missionary came and wanted to build a Bible school. I used that money to build my home. Oh, what? I bought a big car instead of helping the orphans. They are now repenting. It is time for the church to return to the wisdom of God. Ils se repentent maintenant. C'est le temps pour l'église de retourner à la sagesse de Dieu. I don't come here to fool around with you. Je ne viens pas pour blaguer avec vous. I come here that you may enter the kingdom of God. Je viens ici afin que vous entrez dans le royaume de Dieu. The moment of truth and reality has arrived. Le moment de vérité et de réalité est arrivé. I want to wash my hands as I'm leaving. Say, Lord, I did it right. Je voudrais laver mes mains et partir et dire, Seigneur, j'ai fait correctement. I didn't please men. Je n'ai pas fait plaisir aux hommes. I did not please any human system. Je n'ai pas fait plaisir au système humain. But I pleased the Holy Spirit. Mais je fais plaisir au Saint-Esprit. I pleased the Father in heaven. Je fais plaisir au Père dans les cieux. Listen to me, somebody. That's the key to revival. Ça, c'est la clé pour le réveil. That the church may return to the fear of the Lord. Que l'église retourne à la crainte de l'Éternel. Listen, then I shared also. J'ai aussi partagé about the tremendous vision of May 3rd, 2007. La grande vision terrible de 3 mai 2007. When at 5:38 a.m. À 5h38 du matin. The Lord in the direction facing east again. Le Seigneur dans la direction face à l'Orient en une fois de plus. He finally opened heaven. Il ouvre finalement les cieux. And then he lowered the golden clock of God into the sky. Il a fait descendre l'horloge d'or de Dieu des cieux. And when I looked at the clock, it was 1 minute to midnight. J'ai regardé l'horloge, c'était une minute avant minuit. And I panicked. Et j'ai paniqué. I trembled. J'ai tremblé. When I looked at the way the second hand was racing. Et j'ai regardé, j'ai vu l'aiguille de seconde aller vite. And then after that, it became a big writing in the sky. Et il y a eu des écrits dans les cieux. And the writing was in semicircle, the upper one and the lower one. Il y avait deux niveaux, un au-dessus et un en bas. And the upper one saying, Jesus of Nazareth. Les écrits au-dessus disaient, Jésus de Nazareth. And the lower one saying, He's coming. Les écrits en bas disaient, Il revient. And I asked you, what is the revelation to the church of Christ in Canada? J'ai demandé quelle est la révélation de l'église de Christ au Canada. And I said there is no better place to go other than the Bible, that is the eternal mirror of God. J'ai dit il n'y a pas de meilleur endroit d'aller que la Bible, qui est le véritable miroir de la parole de Dieu. And I said that the bridegroom comes at the midnight hour. J'ai dit l'époux viendra à l'heure de minuit. And I read in Romans chapter 13 verse 11 on. J'ai lu dans Romains 13, 11 et plus bas. When he said the night is nearly over. Il dit la nuit est presque finie. Let us stop the behavior of the night. Arrêtons la course dans la nuit. Let us stop the orgies, the debauchery, the dissensions of the night. Arrêtons les disputes et les dissensions de la nuit. Let us stop the immoralities of the night. Arrêtons l'immoralité de la nuit. Let us clothe ourselves with Christ Jesus and the light, for the dispensation of light has arrived. Habillons-nous de la gloire, de la lumière de Dieu, de la gloire de Christ, parce que l'heure de la dispensation, la lumière est arrivée. And I say every time it is 11:59 p.m. Et je dis chaque fois qu'il est 23h59. That means you have no control no more. Ça veut dire que tu n'as plus le contrôle. When it's 11:59 p.m., that always means you have no control. Your control is over. Quand c'est 23h59, c'est-à-dire que vous n'avez plus le contrôle est fini. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. That means the church has lost control. C'est-à-dire que l'église a perdu contrôle. What do I mean by that? Qu'est-ce que je veux dire par là? When it is 11:59 p.m. Lorsque c'est 23h59. That means there is nothing you can do about the old day. Il n'y a rien que vous puissiez faire du jour passé. It is gone already. Il est passé. You like it or not, the old day is gone. Que vous le vouliez ou non, le jour passé est passé. And the new day has arrived. Et le nouveau jour est arrivé. But we know that this old day was full of darkness. Mais nous savons que le nouveau jour est rempli de ténèbres. Was full of compromise in the church. Rempli de compromissions dans l'église. Was full of pastors preaching prosperity. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchaient la prospérité. Was full of false prophets. Rempli de faux prophètes. Was full of women in tight trousers and miniskirts. Rempli de femmes avec des pantalons collants et des miniskirts. was full of boys. They are frying, palming, frying their hair, putting rings and rings in the worship team. Many rings. Il y avait beaucoup d'hommes qui grillaient leurs cheveux. Ils mettaient des anneaux. Ils mettaient des anneaux dans les oreilles et dans les nez. In some of the cities that I've gone to, when you do that, they call you homosexual. Dans certaines villes où je suis parti, lorsque vous faites ça, on vous appelle homosexuel. That means the old day had another mark on the church. Cela veut dire que l'ancien jour a une autre marque dans l'église. But the new day has arrived now. Mais le nouveau jour est arrivé maintenant. And you need to wear another mark. Alors vous devez porter une nouvelle marque. And I say in Jeremiah chapter 8. Et j'ai dit dans Jérémie 8. Verses 4 to 8. Verset 2 à 8. He says when men fall down. Lorsque l'homme tombe. Don't they get up? Ne se révèle-t-il pas? And he goes on to say even the birds in the sky. Il dit même les oiseaux dans les cieux. They look at the leaves. Ils regardent les feuilles. And when they see that the autumn is here. Ils voient que l'automne est là. They know that the season has changed. Ils savent que la saison va changer. They have to migrate South America. Ils doivent aller en Amérique du Sud. They know that the winter is near here. Ils savent que l'hiver est proche. And he says, how about my people? Et dit, qu'est-ce qu'il en est de mon peuple? How come they don't know when to return to the Lord? Comment ne savent-ils pas qu'il faut retourner au Seigneur? How come they don't know when the season has changed? Comment ne savent-ils pas que la saison a changé? The season has changed in the church. La saison a changé dans l'église. There is the latter outpour right now. Il y a la dernière saison maintenant. The promised glory is now. La gloire promise est maintenant. That's why every vision begins with heaven opening. C'est pour ça que toutes les visions commencent par les cieux qui s'ouvrent. And the glory coming out into the sky. Et la gloire sortant des cieux. That is the Joel's dispensation. C'est la dispensation de Joël. Joel chapter 2 verse 28 to 32. Joël 2, 28 à 32. And he says, et il dit, in this new dispensation, dans cette nouvelle dispensation, he needs a new vessel. Il a besoin d'un nouveau vaisseau. He needs a new wine skin. Il a besoin d'une nouvelle outre de vin. So he can put new wine in a new wine skin. Afin qu'il mette du vin nouveau dans de nouvelles outres. You've been wearing an old wine skin. Si vous avez la vieille outre, full of corruption, rempli de corruption, full of show business, rempli de show business. So if he gives you the new wine, il va commettre à le nouvel nouveau. In the old wine skin, dans le vieil outre, you will burst. Vous allez éclater. You will not be able to contain it. Vous ne serez pas capable de le contenir. Look at what's happening in Kenya. Regardez ce qu'il y a au Kenya. It is so tremendous. C'est tellement terrible. He even makes me walk into the stadium. Il me fait marcher dans le stade. And he tells me point in heaven. And command heaven to open right now. Il me dit parle aux cieux et que les cieux s'ouvrent maintenant. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. In a broad sunny day, en un jour éclatant le soleil, and the millions are here, dans un lieu de ce genre-là, and he says you can command heaven to open right now. Il a dit tu peux commander les cieux de s'ouvrir maintenant. So when I come there, they are not even aware. He's telling me right now. Et j'étais là, je comprenais pas, mais c'est ça maintenant. And heaven opens and rain comes down only in the stadium. Les cieux se sont ouverts et la pluie est tombée rien que dans ce stade-là. Alléluia. The season has changed. La saison a changé. In the past, you lived in a lot of lies. Si vous étiez dans beaucoup de mensonges. And rumors. Dans les rumeurs. But he's saying, prepare a new vessel. Il dit, préparez un nouveau vessel. I want to pour the new anointing. Je voudrais verser la nouvelle onction. I want to pour new wine. Je voudrais verser le nouveau vin. But the way I look at the church now. Mais quand je regarde l'église maintenant. She cannot even contain the new wine. Elle ne peut pas contenir le nouveau vin. Full of a lot of immorality, mixing the world with the church. De beaucoup d'immoralité, mélangeant le monde avec l'église. Show business here on camera. Le show business là-bas sur la caméra. Dancing there. Les danses là-bas. The women, when they're dressing, they say, "Will men like me today?" She's looking at herself in the mirror. Les femmes quand s'habillent disent, aujourd'hui les hommes vont me regarder. Elles se disent ça devant leur miroir. Whom do women dress for when they come to church? Pour qui les femmes s'habillent-elles dans l'église aujourd'hui? You need to dress for Rey de Reyes. Vous devez vous habiller pour le Seigneur. Señor de señores. Le Seigneur de Seigneurs. You need to dress for the Lord of Lords and the King of Kings. Pour le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Time is over for pleasing the world systems. Le temps est fini de faire plaisir au système du monde. Time is over for pleasing the flesh. Le temps est fini de faire plaisir à la chair. No más evangelio de carne. Hallelujah. No more evangelism, gospel of the flesh. Plus d'évangélisme de l'évangile de la chair. Let us preach the gospel of the blood of Jesus. Prêchons l'évangile du sang de Jésus. Let us go back to that old gospel and the rugged cross at Calvary. Alors nous retournons à cet évangile à la croix rouillée de Calvaire. Canada, you say you are too modern. You forgot the cross. Au Canada, vous êtes tellement moderne, vous avez oublié la croix. I don't want to be modern. Je ne veux pas être moderne. Me, I just want to remember the old cross. Je veux être seulement comme la vieille. No, at that cross I met love. Car je sais que sur cette croix, je rencontrais l'amour. I don't know about you. Je ne sais pas ce qui vous concerne. But I met him there. Je l'ai rencontré là. Oh, my life has never been the same. Ma vie n'a plus jamais été la même. Hallelujah. Is somebody meet him at the cross? Quelqu'un l'a-t-il rencontré à la croix? One, two, only three, four. Il y en a quatre, hein? This is tremendous. C'est terrible. Listen to me, somebody. Écoutez-moi. He's looking for a new vessel, a new church. Il cherche une nouvelle église, un nouveau vase. When he sent Jeremiah to rebuke the house of the Lord on Mount Moriah. Lorsqu'il a envoyé Jérémie à réprimander la maison de l'Éternel sur le Mont Moriah. In fact, when the Lord called me, I was studying in Israel. En fait, lorsque l'Éternel m'a appelé, j'étudiais en Israël. So I know how strict they are on the protocol, on the routines, on traditions, on culture. Et je sais comment ils sont stricts concernant leur culture, la routine de la culture. For 7 years. Pendant 7 ans. I did not even understand he had taken me there to call me there from there. Que pourquoi Dieu m'avait appelé par là-bas, de là. I had gone there, I said, to study for myself. J'étais allé là-bas pour étudier pour moi-même. It's time out for myself. Me, my feelings. Me, I feel good. I want to feel good. I want to be happy, just happy. I just want to be happy. I want a good pastor. He preaches, I just be happy all the time. He makes me laugh. I want just to be happy in church. Then there is something wrong with the church. Quand on dit, moi, je vais être à l'aise, je vais être confort, dans le confort. Et moi, un pasteur qui prêche des choses qui me font plaisir. Alors cette église a quelque chose qui ne marche pas. Time is out for psychotherapy. Le temps est là pour la psychothérapie. How can you be depressed when the Holy Spirit comes with such a great high? A great high. Very high. The Holy Spirit makes you high. You will be dancing unto the Lord forever. Comment est-ce que vous faites? Hallelujah. Quand le Saint-Esprit est là. No more time for depressions. Il n'y a plus le temps pour la dépression. But listen to me, precious people. Écoutez-moi bien aimé. When he sent Jeremiah to speak and rebuke to the temple on Mount Moriah. Lorsqu'il a envoyé Jérémie réprimander le temple sur le Mont Moriah. It is amazing. It never ceases to amaze me. Cela n'arrête pas de m'émerveiller. The temple of the Lord in Mount Moriah. Le temple de l'Éternel sur le Mont Moriah. When they worshipped. Lorsqu'ils ont adoré, when they were walking right, lorsqu'ils marchaient correctement, the glory, Shekinah glory, visited. La gloire Shekinah les avait visités. But what amazed me most, mais ce qui m'émerveille le plus, is that when the glory lifted, they were not aware. Lorsque la gloire quittait, ils n'étaient pas partis. When the Lord lifted His glory away, they were not even aware. Lorsque la gloire de Dieu était enlevée, ils ne s'étaient pas conscients. They thought they were still marking high worship. Ils croyaient qu'ils étaient toujours dans la grande adoration. They thought they were still seeing revival. Ils croyaient qu'ils étaient toujours dans le réveil. And Jeremiah came to the valley of Ben-Hinnom. Et Jérémie est arrivé au Ben-Hinnom. The Ben-Hinnom valley. À la vallée de Ben-Hinnom. Ben-Hinnom valley faces the port's hard gate. The gate of the port's hard. If I didn't pass à la porte de la Ah. Jeremiah went to the valley of Ben-Hinnom. Jérémie est allé dans la vallée de Ben-Hinnom. It's amazing that that's where they used to throw the broken pots. C'est merveilleux de voir que c'était là qu'on jetait les vases cassés. And what is amazing about it? Ce qui est encore plus merveilleux. All the dead dogs. Tous les chiens morts. All the dead cats. Tous les chats morts. All the garbage and the refuse used to be thrown there like the dam gate. Hallelujah, let me not say. Because they say also the dam gate, but don't worry about that. Et but every single refuse was thrown there. Toutes les poubelles étaient jetées là-bas. The smell that was there. L'odeur qui sortait de là. The rot that was there. La pourriture qui était là. And yet that is where you found the porters there. Building, breaking the old pots, mixing with water, and running and doing new pots, and their hands were mad with clay. Et c'est là que vous voyez les potiers, aller là-bas, ramasser les vieux morceaux de vase, les mélangeant et faire de la nouvelle, des nouveaux pots. And Jeremiah, et Jérémie, he told the house, il a dit à la maison, to get ready, de se préparer. He told them, il leur a dit, he actually asked them, en fait, il leur a demandé, whether they were willing for Jehovah to build another vessel. Est-ce qu'ils voudraient être un nouveau vase pour Jéhovah? He asked them, can he build another pot from you? Elle a dit, est-ce que Dieu peut-il bâtir un nouveau vase à partir de vous? Can you allow him? Pouvez-vous le permettre? To mess up his fingers with your life and build another. De salir ses mains avec votre vie et bâtir un autre vase. Little did they know. Très peu qu'ils savaient. That Jeremiah had seen the dispensation of the coming of the Messiah. Jérémie avait vu la dispensation du retour du Messie. He knew that there would be need for another vessel. Il savait qu'il devait renouveler un autre vase. This was more of an earthly vessel. C'était plus que des vases terrestres. If you read it from Jeremiah 18 and Jeremiah 19, read those two. Listen to me, precious people. Écoutez-moi bien aimé. He had seen Rachel wailing at Rama. Il avait la chaise là droit. Rachel was wailing at Rama. Le réveil se faisait à Rama. And he had seen all of them accumulated at Rama, tied and they were leaving for Babylon. Et il les a vus capturés, enchaînés et amenés à Babylone. But also he had seen the new dispensation because Rachel also wailed because the Messiah had now gone to Egypt. Et elle a vu là aussi Rachel parce que le Messie allait en Égypte. So Jeremiah had seen that there was another glory that was coming. Jérémie avait vu qu'il y avait une autre gloire qui venait. And this earthly tabernacle, the physical temple, could not contain it. Et il a vu que ce temple physique ne pouvait pas contenir cela. There was now need to build a spiritual temple. Il y avait le besoin de bâtir un tabernacle spirituel. And the two cannot coexist. Et les deux ne peuvent pas cohabiter. The physical and the spiritual temple. Le tabernacle physique et le tabernacle spirituel. There was need to make sure one is destroyed to give way for the other. Il devait s'assurer que un était détruit pour laisser la place à l'autre. Listen to me very carefully. Écoutez-moi bien aimé. And then when commotion came from the north, lorsque les problèmes sont venus du nord, destroy the temple. Cela détruit le temple. And now you see the Messiah came to give way for the spiritual temple of the Holy Spirit. Alors voyez que le Messie est venu donner la place à la place pour le temple spirituel du Saint Esprit. And that's why you see he went straight to the wilderness after baptism. Et c'est là que vous voyez il est allé dans le désert après le baptême. But how does that relate to the church here in the dispensation of the one minute to midnight? Comment cela est-il connecté à l'Église ici avec la dispensation de l'horloge de minuit? Listen to me, somebody. Écoutez-moi, bien-aimé. What the Lord is saying is this. Ce que le Seigneur dit, c'est ceci. He has watched the earthly temple that you have been worshiping in. Il a vu les tabernacles terrestres que vous avez bâtis. Where pastors have built their own kingdoms. Où les pasteurs ont bâti leur propre royaume. Where Jesus has not had a chance. Où Jésus n'a pas eu une chance. Nobody has built for the Lord Jesus his kingdom. Personne n'a bâti un royaume pour le Seigneur Jésus. These are my sheep. These are my sheep. Please, I will not allow you to come to my sheep. I am the gatekeeper. These are my sheep. Il dit, my sheep. These ça, ce sont mes brebis. Je ne permets pas de les approcher. Sois mes brebis. Where are the sheep of Christ? Où sont les brebis de Christ? Who owns the sheep? Qui est le propriétaire des brebis? Who is the owner of the sheep? Qui est le propriétaire des brebis? Isn't it Jesus? N'est-ce pas Jésus? He has seen your physical, earthly things, prosperity, cars, please Lord, good things are going to come to you, preaching it in that earthly temple. Il a vu les choses terrestres, physiques que vous prêchez dans ce tabernacle terrestre. But I have seen the new temple. Mais j'ai vu le nouveau temple. Oh guys, I've not shared with you the vision of 26th March 2008. Je ne vais pas partager avec vous la vision de 26 mars 2008. I've not shared with you this tremendous vision of the temple of God in heaven. J'ai pas partagé avec vous la vision de le temple de Dieu dans les cieux. Why would God show me the temple? Pourquoi Dieu me montrera-t-il le temple? And it's tremendous. We've not even produced the message yet. No, c'est tellement important. Nous n'avons même pas encore produit le message. And the glory covered the dome. It was tremendous glory. Et la gloire était descendue sur le dôme. C'était une gloire terrible. The last time he showed it to Moses. La dernière fois il a montré c'était à Moïse. It was a message to the house of Jacob. C'était le message pour la maison de Jacob. He was saying, look, I have told them I've seen the idolatry of their worship. Il a dit, dis-leur que j'ai vu l'idolâtrie de leur adoration. Tell them to now raise for me one like this one. Il a dit qu'il me bâtisse un temple comme celui-ci. Because I want to come and dwell among them. Car je voudrais venir et demeurer au milieu d'eux. Right now Jesus is saying the same thing. Et maintenant Jésus dit la même chose. The Holy Spirit is saying the same thing to the church. Le Saint-Esprit dit la même chose à l'église. The Lord God Almighty is saying the same thing to the church. L'Éternel Dieu Tout-Puissant dit la même chose à l'église. I have seen the idolatry of your worship. J'ai vu l'idolâtrie dans votre adoration. I have seen that even gays are now claiming right from inside the church. J'ai vu comment les homosexuels sont en train de jouer dans l'église. They are splitting the Anglican church. Ils ont divisé l'église anglicane. In broad daylight. En plein jour. They are splitting it, you like it or not. They are just splitting it right down in the middle. Ils les divisent maintenant que vous le voulez ou non. Juste au milieu. They are splitting many other churches also. Ils sont en train de diviser plusieurs autres églises. He has seen the idolatry and the defilement of your worship. Il a vu l'idolâtrie et la souillure de votre adoration. He has seen the way you worship the earthly things in this earthly temple. Il a vu comment vous adorez les choses terrestres dans ce temple terrestre. And he said, now I want to visit my people. Il dit, maintenant je veux visiter mon peuple. Tell them to build for me another temple. Dites-leur de me bâtir un autre temple. A spiritual tabernacle. Un tabernacle spirituel. That I may fulfill Joel's dispensation. Afin d'accomplir la dispensation de Joël. I am no man that I can lie. Je ne suis pas un homme pour un mentir. I want to pour my latter glory. Je vais déverser ma onction la dernière saison. But where is the house you will build for me? Quelle est la maison que vous allez me bâtir? Where is the temple you will build for me? Quel est le temple que vous allez me bâtir? You are busy with your own house. Vous êtes occupé avec votre propre maison. Haggai chapter 1 verse 5 down. Agée chapitre 1 verset 7 plus bas. You are busy with your own houses. Vous êtes tellement occupé avec vos maisons. And yet my house is desolate. Et ma maison est en désolation. He is looking for a spiritual tabernacle. Il cherche un tabernacle spirituel. In your heart. Dans votre cœur. Alléluia. The moment of truth has arrived in Canada finally. Le moment de vérité. Let us clap to the Lord of that. Finalement arrive au Canada. Applaudissons pour le Seigneur. That Canada also can face the moment of truth now. Que Canada puisse voir le moment de vérité maintenant. Finally it has arrived. Finalement nous sommes. Isn't that amazing? That now the truth be opened to you. Que la vérité vous soit dévoilée. And set you free. Et vous affranchis. That you may now prepare for the wedding of the Lamb of God. Que vous puissiez vous préparer pour le mariage de l'agneau de Dieu. I said after the wedding of the Lamb. J'ai dit après le mariage de l'agneau de Dieu. There will be no church. Il n'y aura plus d'église. I repeat, there will be no church. Il n'y aura plus d'église. He will be more concerned with the Hebrew church. Il sera plus concerné pour l'église hébraïque. And if even the Holy Spirit will have been taken away. Et même le Saint-Esprit sera enlevé. And if you will try to preach Jesus. Quand vous essayerez de prêcher Jésus. Yesterday I read from Revelation 20. Hier on a lu Apocalypse 20. You will be beheaded, that word must be fulfilled. Vous serez décapité et cette parole sera accomplie. A wood, piece of wood. On mettra un morceau de bois. They tell you to lie down, put your neck. On va vous dire de vous coucher, mettre votre cou. And take an axe. Et ils vont prendre une hache. And cut it. Et couper votre tête. The others are still standing in the line. Et les autres sont toujours sur la ligne. And they ask them also, are you also still following the Jesus of Nazareth? On va te demander, tu vas aussi suivre le Jésus de Nazareth? That one I just cut the head. Are you still also following? Toi aussi, tu vas suivre, on vient juste de décapiter l'autre. Tu vas aussi le suivre? And the way this church cannot endure any pain. Et la manière que cette église ne peut pas supporter une souffrance. I think all of them will deny Jesus. Et je crois que tous vont dénier Jésus. Right now, if the husband loses a job, she almost wants to get married to another man. Et si aujourd'hui une soeur perd un boulot, elle va vouloir vite aller chercher un autre homme. She wants backslide right away. Elle va se rétrograder rapidement. You are just sitting here, you are not looking for a job and you are saying you are unemployed. Et vous êtes là en train de chercher un travail et vous cherchez un problème. If she just falls sick, it's as if there is no God. She wants to backslide. Et si elle est juste malade, c'est comme si elle n'avait plus de Dieu. Elle voudrait rétrograder. She cannot stand rejection and pain. Elle ne peut pas supporter le rejet et la douleur. And yet the Holy Spirit is here. Et même bien que le Saint-Esprit est là présent. She always says, me, I just want to be happy. Me, I'm looking for a church where I can just be happy, happy. I just want to be happy, happy, happy, happy all the time. Moi, je veux juste une église où je veux être heureux. Je cherche pas grand chose, c'est moi être heureux. Jesus was never happy here. Jésus n'était jamais heureux ici. 1 Corinthians chapter 5. Don't read it, just at home in future. 1 Corinthiens chapitre 5, n'allez pas lire maintenant. He's saying, if you are happy and content in this earthly house, si vous êtes content et heureux dans cette terre, maison terrestre, then that one is not yours. Alors celle-là n'est pas à vous. Jesus was never happy. With this kind of immorality going on here and worldliness in the church in Canada, if you go to a church and you come out happy, et avec l'immoralité que nous avons, si vous allez dans une église et vous êtes heureux, and the dressing of women that you see in the church without the fear of the Lord, l'habillement des femmes devant l'église qui n'a pas la crainte de Dieu, if you go to church and that pastor preaches and you feel happy, et si vous allez dans une église et le pasteur prêche seulement être heureux, that church is not preaching the Jesus of Nazareth. Cette église ne prêche pas le Jésus de Nazareth. Because with all this kind of fall of sin that has entered Canada, avec toutes sortes de chutes de péchés qui entrent dans l'église du Canada, if you preach the true word of God, si vous prêchez la véritable parole de Dieu, when the sheep leave, they are broken, they are pierced, they are crying, they are everything. Did you hear that church? Which you, the church, the house of grace, what happened there? The word of grace. Vous avez entendu ce qui est arrivé là-bas? People were weeping as they are driving, repenting, crying until today. Les gens conduisaient pleurant, se répandant jusqu'au. Women calling the pastor, they have removed now, they don't want those miniskirts, they have gone to stitch new long clothes to fear God. Il y a des sœurs qui ont appelé le pasteur, disent, ils ne veulent plus porter des mini-jupes, ils vont maintenant commencer à s'habiller dans la crainte de l'Éternel. In this very dark era, dans cette ère ténébreuse, 11:59 p.m. is the darkest moment of the night. 23h59, c'est le temps le plus noir de la nuit. There is no way the word you preach will be liked by the world, even by the sheep. Il n'y a pas moyen que la parole que vous prêchez sera une lumière pour l'église ou même pour les brebis. And yet, that is what the true meaning of love is. Et c'est ça le vrai sens de l'amour. If you don't rebuke sin, you don't love them. Si vous ne réprimandez pas le péché, c'est que vous ne les aimez pas. You are hiding them to hell. Vous les menez à l'enfer. Listen to me, I talked about Exodus chapter 12. Read it at home. J'ai parlé de Exodus 12, vous allez lire ça à la maison. How the Lord taught Israel to prepare for the midnight hour. Comment le Seigneur a dit à Israël de se préparer pour l'heure de minuit. And he says, when it comes to the midnight hour, il dit, lorsque l'heure de minuit arrivera, at that time, now only the blood matters to him. À ce moment-là, rien que le sang importe pour lui. And he told them, put it on the door frames. Il dit, mettez-le sur les lenteurs de la porte. At that time, I only want to see the blood, nothing else. En ce moment-là, je voudrais seulement voir le sang et rien d'autre. And verse 7, verset 7, he says, il dit, the blood of the lamb without a defect. Le sang de l'agneau sans défaut. John chapter 1:29. Jean 1, verset 9. When John the Baptist saw Jesus coming, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir, behold the Lamb of God, voici l'agneau de Dieu, that taketh away the sins of the world, qui ôte le péché du monde. So right now, en ce moment, the only thing that matters, la seule chose qui importe, is the blood of Jesus over the church. C'est le sang de Jésus sur l'église. That means the Lord is telling the pastors in Canada. C'est-à-dire que l'Éternel dit aux pasteurs au Canada. Change your sermons. Changez vos sermons. Begin preaching the blood of Jesus. Commencez à prêcher le sang de Jésus. Begin covering the sheep with the blood of the Lamb of God. Commencez à couvrir les brebis avec le sang de l'agneau de Dieu. Because when the midnight hour strikes, quand l'heure de minuit arrive, and he sees the blood, et il voit le sang, he will pass over you. Il va vous passer. As he strikes the gods of Egypt. Pendant qu'il va frapper les dieux d'Égypte. And right now the church is living in the middle of the land of Egypt. Et maintenant l'église est au milieu de la terre d'Égypte. There is the worshipping of the gods of this world. Il y a une adoration des dieux de ce monde. But God is now saying, mais Dieu dit maintenant, that only the blood will make a difference. Rien que le sang ferait la différence. The only difference I see is the blood of Jesus. La seule différence que je vois, c'est le sang de Jésus. In other words, he's asking the church. En d'autres mots, il demande à l'église. I have watched you for many years. J'ai attendu pendant plusieurs années. Are you really covered by the blood of Jesus? Êtes-vous réellement couvert par le sang de Jésus? I have watched you for very many years. Je vous ai regardé pendant plusieurs années. But are you really covered by the blood of the Lamb of God? Êtes-vous réellement couvert par le sang de l'agneau de Dieu? Why would God ask such a question at 1 minute to midnight? Pourquoi Dieu posera-t-il cette question à 23h59? That means he has watched the church. C'est-à-dire qu'il a regardé l'église. And yet he knows. Et il sait. That there is no other Calvary again. Il n'y a pas d'autre calvaire encore. There is only one Calvary that took place. Il n'y a eu qu'un seul calvaire qui a eu lieu. And when the blood of Jesus touches you. Et lorsque le sang de Jésus vous touche, it should change your identity. Cela doit changer votre identité. You must be different from the world. Vous devez être différent du monde. And yet he has watched the children of God in the church. Il a regardé les enfants de Dieu dans l'église. He has watched the church over the years. Il a regardé l'église pendant des années. She has maintained the same identity as the world. Elle a la même identité que le monde. And God is grieving now. Et Dieu est en pleurs maintenant. God is crying to the church right now. Dieu pleure pour l'église en ce moment. He is asking her. Il lui demande. Are you really covered by the blood of Jesus? Êtes-vous réellement couvert par le sang de Jésus? Because when the midnight hour arrives, lorsque l'heure de midi arrivera, only the blood will matter. Seul le sang va importer. If I see the blood cover your heart, si je vois le sang couvrir votre cœur, the doorframe of your heart, les portures de votre cœur, I will deliver you from the tribulation. Je vous délivrerai de la tribulation. And he told Israel, et il a dit à Israël, when you prepare for the midnight hour, lorsque vous préparez pour l'heure de minuit, you need to tuck in your clothes like this, and you need to hold the rod in one hand. Et vous devez tenir le bâton dans une main. The rod in one hand here. Le bâton dans une main. And eat the lamb in a haste, in a hurry. Et manger l'agneau en vitesse. That means God is saying when it's 1 minute to midnight. Il dit quand il est 1 minute avant minuit. Whatever you do in the church. Tout ce que tu fais dans l'église. Do it in a hurry now. Fais-le rapidement maintenant. That's why in that vision. C'est pour ça dans la vision. He made me panic. Il m'a fait paniquer. He wants the church to panic right now. Il veut que l'église panique en ce moment. You must panic at this time. Vous devez paniquer en ce moment. Hey, am I really going to make it? Oh, je vais vraiment y aller. But if you find yourself comfortable now, like the church in Canada, si vous vous sentez à l'aise maintenant comme l'église au Canada, 11:59 p.m. she's so comfortable in the world. 23:59, l'église est à l'aise dans le monde. I am afraid. I feel like crying. J'ai peur. Je sens comme je dois pleurer. I said, Lord. Seigneur, she needs to start work now, and there is no time. Elle doit commencer maintenant, et il n'y a plus de temps. She needs to start preaching the purity of the church. Elle doit commencer à prêcher la pureté de l'église. She needs to start preaching, walking in holiness. Elle doit commencer à prêcher, marcher dans la sainteté. She needs to start rebuking sexual sin. Elle doit commencer à réprimander l'impudicité. She needs to start walking in righteousness. Elle doit commencer à marcher, prêcher la justice. She needs to go down to the finest details. You cannot just browse holiness in a general term, in a blanket, in a general direction. Il peut plus seulement prêcher la justice dans les termes génériques, mais dans les détails. The sheep don't know. You have to pinpoint it out for them. Les brebis ne savent pas. Il faut les pointer du doigt. You have to say, sisters, stop bringing your naked breasts in this church. Dire, les sœurs, arrêtez de montrer vos seins ici dans cette église. Can we talk today? Pouvons-nous parler aujourd'hui? Are there women in the house today? Est-ce qu'il y a des sœurs dans la maison aujourd'hui? I hear only one or two. Are there women in the house today? Est-ce qu'il y a des sœurs dans la maison aujourd'hui? And are they ready to talk tonight? Est-ce qu'elles sont prêtes à parler aujourd'hui? Let us dress for Christ. Habillons-nous pour Christ. Let us get out of immoralities. Sortons de l'immoralité. Those long sleeves that show you. C'est long collant qui vous montre. Those tight trousers that show you anatomy. Les pantalons collants qui vous montrent le corps. In Matthew chapter 5 verse 27 on. Dans Matthieu 5, 27 et plus bas. Whoever looks at a woman and lusts at her. Tout celui qui regarde une femme et la convoite. Has already committed adultery with that woman in his heart. A déjà commis l'adultère avec cette femme dans son cœur. Your pastors and the pastor preach to comfort. Oh, don't worry, it's okay. There's so much grace. Don't worry, there's peace. There is grace and blood of Jesus. Oui, don't worry, just be calm. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de grâce, il y a la paix, la grâce de Jésus. I am reading now from Hebrews chapter 6. Je vais lire dans Hébreux chapitre 6. Verses 4 to 6. Versets 4 à 6. Turn with me there, precious people. Donnez avec moi là-bas, bien-aimés. Hebrews chapter 6. Hébreux chapitre 6. Verses 4 to 6. Versets 4 à 6. And listen very carefully. Écoutez attentivement. It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, if they fall away, to be brought back to repentance, because to their loss they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public shame, disgrace. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. It is impossible. Cela est impossible. He does not say it is possible. Il dit pas que c'est possible. It is impossible. Il dit c'est impossible. If you abuse the grace of God, si vous abusez la grâce de Dieu, to be brought back to repentance, d'être ramené à la repentance. Why haven't the pastors in Canada read this to the church? Pourquoi les pasteurs au Canada négligent pas ça à l'église? Am I reading from another Bible? Est-ce que je lis une autre Bible? Is it in your Bible, pastor? Est-ce que c'est dans votre Bible, pasteur? Is it in your Bible, pastor? C'est pas dans votre Bible, pasteur? Is it in your Bible? C'est pas dans votre Bible? Why haven't they read it to the church? Mais pourquoi ne lit pas ça à l'église? Hebrews chapter 10, verse 26. Hébreux 10, verset 26. He says this. Il dit ceci. Hebrews 10, 26 to 31. Hébreux 10, 26 à 31. If we deliberately keep on sinning, car si nous péchons volontairement, after we have received the knowledge of the truth, après avoir connu la connaissance de la vérité, no sacrifice for sins is left. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, but only a fearful expectation of judgment, mais une attente terrible du jugement, and of raging fire that will consume the enemies of God, et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy at the testimony of two or three witnesses. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. How much more severely do you think a man deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an holy thing the blood of the covenant that sanctified him, who has insulted the Spirit of grace? De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? For we know him who said, it is mine to avenge, I will repay. And again, the Lord will judge his people. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. And he finishes by saying, et il finit en disant, it is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Isn't that a warning of the abuse of grace? N'est-ce pas que c'était l'avertissement de l'abus de la grâce? He says it is higher than even the law of Moses. Il dit c'est plus grand que la loi de Moïse. Trampling it underfoot. Les fouler au pied. The church in Canada is always doing like this to the grace. L'église au Canada fait ceci à la grâce. They throw it at Jesus today. I don't need you. Il le jette par terre. Il a Jésus aujourd'hui. N'a pas besoin de toi. Sunday, I need you. Dimanche, j'ai besoin de toi. And the pastor said, no, don't worry. There's so much grace, you know. We are in the dispensation of grace. Et les pasteurs disent, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. The lying pen of the scribes has falsely handled the word. Le mensonge des sacrificateurs a conduit le monde. In Hebrew is better, in Spanish is better too. En hébreu c'est mieux et en espagnol c'est encore mieux. In Spanish c'est horrenda cosa. En espagnol on dit une chose terrible. Horrenda, it is horrendous to fall in the hands of the living God judging you. Une chose horrible de tomber entre les mains du Dieu vivant qui vous juge. Second Peter chapter 2. 2 Pierre chapitre 2. Verses 19 on. Verset 19 et plus bas. They promised them freedom while they themselves are slaves of depravity. For a man is a slave of whatever has mastered him. Ils leur promettent la liberté et quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a trouvé en fait de lui. If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ and are again entangled in it and overcome, they are worse off at the end than they were in the beginning. En effet, si après s'être retiré des souillures de ce monde, par les connaissances du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. It would have been better for them never to have known the way of righteousness than to have known it and then turn their backs on the sacred command that was passed on them. Et car mieux valait pour eux de n'avoir point connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Of them the proverbs are true. A dog returns to its vomit, and a sow, a pig, when washed, returns to its mud. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Why have the pastors and the bishops in Canada done that? Pourquoi les pasteurs et les évêques au Canada n'ont pas fait ça? They have washed the sheep and allowed the sheep to go back to the mud. Ils ont nettoyé les brebis et leur permettent de rentrer dans le boue. They have allowed the sheep to go back to their vomit. Ils ont permis aux brebis de rentrer dans leur vomi. The Bible says, la Bible dit, it would have been better for you never to have known Jesus than to know him and live the kind of compromised life that Christians in Canada are living. La Bible dit, il aurait mieux fallu pour vous de ne pas avoir connu, au lieu de vivre une vie de compromission comme l'église de Christ au Canada vit. He says it would have been better for you never to have known Jesus. Il dit qu'il aurait mieux fallu ne pas jamais avoir connu Jésus. Because the end time revival will come and pierce your heart and you might enter. Et le réveil de la fin de la terre va revenir et percer ton cœur et tu vas entrer. In Revelation he says, you are lukewarm, you are confusing, I will spit you out. Il dit, si tu es tiède, je te vomirai. You are confusing my tongue, you are lukewarm. You are neither hot nor cold, I don't know where your stand is. I can't understand this. I'll spit you out. Il dit, vous me ferez la confusion. Vous êtes froid, vous êtes chaud, vous êtes tiède. Non, je vais vous vomir. In German, the real language is that I will vomit you out. En allemand, la vraie langue, ça veut dire, je te vomirai. It would have been better for you never to have known Jesus than to know Jesus and live the way the Christians in Canada are living today. Il aurait mieux fallu pour toi de ne pas connaître Jésus, mais que de connaître Jésus et de vivre comme les chrétiens au Canada vivent aujourd'hui. He says your final condition is worse off than it was in the beginning. Il dit votre dernière condition est pire que la première. Oh no. You know in Canada you cannot touch homosexuals, they can sue you. Oh, au Canada on parle pas des homosexuels, ils vont vous traduire en justice. No, here if we rebuke sin, the sheep come and say, Pastor, I don't want what you teach. I don't like what you teach today. The church might go away. Half of it might go to another church. Si au Canada on dit, oh, pasteur, si je n'ai pas prêché ce que vous avez prêché aujourd'hui, alors l'église va partir. Don't rebuke them so hard because you might lose half of the church. Ne réprimandez pas très fort parce que vous allez perdre la moitié de l'église. I found the same thing in Kenya. J'ai trouvé la même chose au Kenya. And listen to what I told them. Écoutez ce que je leur ai dit. I told them, if I am going to be sent here, si j'ai été envoyé ici, when the church is defiled like this, où l'église est souillée comme ceci, and then the pastors meet me at the airport with a red carpet, et les pasteurs me reçoivent à l'aéroport avec tapis rouge, with a limousine, avec une limousine, and then the people kneeling down and kissing my feet, et les gens se prosternent et embrassent mes pieds, then Jehovah has not sent me. Alors, Jehovah ne m'a pas envoyé. If Jehovah is going to send me to you, I told Kenya. Si le Jehovah m'a envoyé à vous quand j'étais au Kenya. And you are sitting in sin like this. Et vous êtes dans le péché comme ceci. You will not like me. Vous n'allez pas m'aimer. You cannot like me. Vous ne pouvez pas m'aimer. If you like me, I have to review again. Am I really with God? Et si vous m'aimez, je dois me revoir. Est-ce que je suis correct avec Dieu? Because I will rebuke your ways. Car je vais réprimander vos voies. And lead you back to him. Et vous conduire à lui. Because time is over. Car le temps est fini. The same thing in Canada. La même chose au Canada. If you were to receive me on a red carpet, limousine, women, everything, just a lot of adulations. Et si vous devez me recevoir au Canada avec limousine, tapis rouge, les femmes qui crient. And dancing and everything and just greeting hands, oh hallelujah, everything's alright, hallelujah, alright. Merci, alléluia. Then God has not sent me. Alors Dieu ne m'a pas envoyé. I had to preach in these small churches here. That is when I know I'm in the ways of God. Je dois passer dans une petite église comme ça je sais que ce sont les voies de Dieu. We went to churches. Oh, pastor was not here. He's not able to wait. He cannot meet you. Oh, sorry about that. Nous avons été dans les églises. On dit, le pasteur ne peut pas là. Il ne peut pas vous recevoir. Nous sommes désolés pour ça. How can they meet you when you're carrying fire? Comment est-ce qu'ils vont te rencontrer lorsque tu es rempli de feu? It had to be churches like this and the word of grace. Et ça doit être des églises comme ceci et parole de grâce. Alléluia! The moment of truth has arrived. Le moment de vérité est arrivé. He's looking for true servants that will shepherd the sheep back to Jesus. Il cherche des vrais serviteurs qui vont ramener les brebis à Jésus. Alléluia! It had to be like this. Ça doit être comme ça. They said, no, in Kenya, yeah, if you rebuke the sheep, we might lose the sheep. I said, no. For me, if I preach and people don't walk away, I begin to re-examine. Am I really sitting right? Okay, no, Maddie, si tu... People must walk away in protest. Non, je préfère que les gens partent. In fact, I long for it. I want it to happen. En fait, je cherche ça. Je veux que ça arrive. I want the women to say, I don't like this man, I'm not going to come back to that church. J'aimerais que les femmes disent, je n'aime pas cet homme, je ne retournerai pas à cette église. Then I have helped them. Alors je leur ai aidé. Because the Holy Spirit will start ministering to them even in the night. Et c'est la manière de toucher le cœur maintenant. And they will repent. Ils vont se repentir. No, you don't have to like me, I don't want you to like me. Je ne veux pas que vous m'aimiez moi. I want you to like him that is coming. Je veux que vous l'aimiez lui qui revient. For me, I'm just a foot soldier, a slave walking by. You can trash my speech, but that's all right. Him, I want you to like him because he danced such a beautiful dance at Calvary. J'aimerais que vous l'aimiez parce que lui, il a fait une grande chose au Calvaire. A holy dance. Une danse sainte. Let us prepare for him. Préparons-nous pour lui. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. Why would God be downloading such matters of gravity to me from the other side of the earth, Africa of all places? What good thing can come from Nazareth? Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Je viens de l'Afrique. Que peut-il sortir de bon? Alléluia! Amen. Why would God be doing so? Pourquoi Dieu ferait telle chose? He's loving the church, okay? Il aime l'église. He's loving the church so much. Il aime l'église tellement. That she may be well warned. Qu'elle fait qu'elle soit bien préparée. That you may, you know, let me tell you one thing we found out. Il y a une chose que nous avons réalisé. That in many countries, Europe, wherever, even here, that the Lord sends me to. Dans les plusieurs pays occidentaux, mais en Europe et ici. The Lord may choose a church and want to use that church to bring up revival. L'Éternel voudrait utiliser une église et amener le réveil au travers de cette église. But there will be one problem in that church. Mais il y aura un problème dans cette église. In their attempt to fit into the system. Si ils essaient de s'adapter au système. To find their bearing, raise their antennas to pick the right waves of the system. Si ils essaient de mettre les antennes, capter les meilleures voies pour le système. They end up being like. Ils vont finir par devenir comme. And lose the saltiness. Et perdre la saveur. We saw it in Germany, right? On l'a vu en Allemagne, n'est-ce pas? Oh, you know, I need just to fit to be like Germans. I said, no, but God has called this church. Why has he sent me here? Et ils disent, on veut être comme l'Allemagne. Mais pourquoi Dieu vous a envoyé ici? So you may be able to be used to bring revival to the church, precious people. Afin que vous soyez capable d'amener le réveil, bien-aimés. You cannot live in the kind of comfort your pastors have put you in. That is sinful. Vous ne pouvez pas vivre dans le confort que les vos pasteurs vous ont mis. Cela est le péché. That nobody can rebuke sin. Là où personne ne peut réprimander le péché. Remember Eli, 1 Samuel chapter 2 verse 12 on. Eli was a god. 1 Samuel chapter 2 verses 1 Samuel chapter 2 verses 12 onwards. 1 Samuel 2 à partir du verset 12 et plus bas. Eli was a god fearing man. Le sacrificateur et lui était un homme qui craignait l'Éternel. He loved the Lord so much. Il aimait tellement le Seigneur. I must finish by this now. Je vais terminer avec ça. He loved the Lord so much. Il a tellement aimé le Seigneur. But listen to this. Mais écoutez ceci. When he failed to rebuke sin, lorsqu'il a failli de réprimander le péché, they used to go with a three-pronged fork. I read it yesterday, and pick from the kettle of Kadron, pull out meat. They were roasting meat. They were defiling. They were treating the sacrifice unto Jehovah with contempt. Ils avaient traité avec mépris le sacrifice qui était destiné à Jéhovah. And though the private jets I see with pastors right now, les avions que je vois avec les pasteurs maintenant, and though the private aeroplanes I'm seeing here, ce sont les avions privés que je vois ici, God is prescribing an offering for his dwelling. Dieu demande une offrande pour son habitation. And you are busy with the three-pronged fork, pop, pop, pop, pop, pulling out your roasting meat. Et vous êtes occupé avec les fourchettes à trois fourches pour prendre la viande. If you read on, you find that God sent a man of God to Eli. Si vous avez lu la parole, Dieu a envoyé un homme à Eli. And asked him, why are you fattening yourself on the choice offerings that are prescribed for my dwelling? Fattening is the word, fattening. Comme il dit, comment vous engraissez vous-même en prélevant sur les offrandes qui sont pour mon habitation. That means we should fast more. Cela veut dire que nous devons jeûner davantage. When he presented John the Baptist on my right hand side, quand il m'a présenté Jean-Baptiste à ma main droite, the message is tell the church to return to the wilderness of repentance and fasting. Le message était, dis à l'église de retourner au désert et à au jeûne. Even spiritual fasting. Même au jeûne spirituel. That the kingdom of Jesus may grow, but I may have a small Toyota Corolla. Et afin que l'église de Christ puisse grandir et que je ne puisse avoir que quelques petits. Alléluia! I know you've not met the truth. Today you've met the truth. Je sais que vous n'avez pas rencontré la vérité, mais aujourd'hui vous avez rencontré la vérité. If you don't have a private aeroplane, you are not anointed enough. Si vous avez un avion privé, c'est que vous n'êtes pas encore loin assez. That is gospel according to who? Ça c'est l'évangile selon qui? Is it according to the world? La dit selon le monde. Hallelujah! Hallelujah, somebody! Private aeroplanes. Avion privé. Let us be humbled by the message of this hour. Soyons humbles par le message de ce temps. Let the kingdom of God rise and let us be reduced. Que le royaume de Dieu grandisse et que nous puissions diminuer. I always tell wherever I go everybody that let me diminish that Jesus may be magnified. Je dis toujours aux gens que je sois diminué et que Jésus soit magnifié. Even when I pray every day I say, Lord, don't allow them to hear me or to see me. Et chaque fois je prie, je dis, Seigneur, ne leur permets pas de me voir ou de m'écouter. But allow them to hear you. Mais permets-leur de t'écouter toi. And all that was happening while Samuel was lying next to the Ark of the Covenant. Et pendant ce temps, Samuel était couché à côté de l'Arche de l'Alliance. And the Bible says in the book of 2 Samuel chapter 2 verse 26. Et la Bible dit dans 2 Samuel 2 chapitre 2 verset 26. That Samuel grew in stature and favor with the Lord in stature. Et que Samuel grandit en stature et en faveur devant le Seigneur. But I see it also in Luke chapter 2 verse 56. Et j'ai vu ça dans Luc 2 verset 56. That Jesus grew in stature and in favor with the Lord. Que Jésus a grandi en stature et en faveur devant le Seigneur. The Lord is looking for pastors that can separate out from this defilement. L'Éternel cherche des pasteurs qui peuvent se séparer de cette souillure. That they can be at the ark of the covenant. Qu'ils soient à l'arche de l'alliance. The place of the visitation. Le lieu de la visitation. The place of the cloud of God. Le lieu de la lieu de Dieu. Where someone is hearing the voice of God proper. Quand ils vont écouter la voix de Dieu proprement. And Eli is lying in the outer court. Et Eli était en train de se foutre dans le mensonge. Where there are rumors, false prophets are full there. Là où il y a les rumeurs, les faux prophètes sont remplis là-bas. They are prophesying the big cars, the big homes, the private aeroplanes out there. Ils sont en train de prêcher des grandes voitures, des grandes maisons là dehors. And then rumors, oh I heard, oh I saw, oh I heard out there. Il y a des rumeurs, j'ai entendu ceci, j'ai vu ceci, j'ai entendu cela. But Samuel is hearing from Jehovah Yahweh. Mais quelqu'un écoute de Jehovah Yahweh lui-même. The Lord is looking for pastors in Canada. The new Samuels of this dispensation. L'Éternel cherche des pasteurs au Canada qui soient dans la dispensation de Samuel. That you may grow in stature and favor with God. De grandir en stature et en faveur devant Dieu. It does not matter anymore what the world will say. Cela importe plus ce que le monde dit. Only holiness can mature the church. Seule la sainteté peut faire grandir l'Église. Only holiness can make the pastor growing full stature. Seule la sainteté peut faire grandir les pasteurs en pleine stature. You cannot preach that which you are not. Vous ne pouvez pas prêcher ce que vous n'êtes pas. For you to preach holiness, you have to walk in holiness. Pour vous de prêcher la sainteté, vous devez marcher dans la sainteté. The pastors in Canada, you have lasting eyes. Les pasteurs au Canada ont des yeux de convoitise. Let the Lord clean up your sight. Que l'Éternel nettoie votre vision. The Bible says Eli was growing old and his vision was becoming weak. La Bible dit le sacrificateur Eli vieillissait et sa vision devenait faible. The pastors in Canada, your vision is weak. You cannot see no more. Les pasteurs au Canada, votre vision est faible et vous ne pouvez plus voir. God is looking for the new Samuel who can see visions. L'Éternel sont les visions of God. Qui peut voir des visions de Dieu. And prepare the church. Et prépare l'église. Because it's a battle. It's not a small game. It's not play. It's not a child play. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est une bataille. When the devil will get you and you don't turn around, you will go to eternal hell. Si le diable vous tient et vous ne vous détournez pas, vous allez en enfer éternel. It is too much at stake. I cannot. For me, no. For me, I cannot keep quiet. Definitely. Pour moi, il y a tellement de choses en jeu, je ne peux pas me taire. It's about the eternity of souls. C'est concernant l'éternité des âmes. Will be realized in the kingdom of God. C'est le jour de la réalisation de la mort de Jésus-Christ sur la croix à Calvaire sera réalisé complètement. Genesis chapter 1 verse 26. Genèse 1 verset 26. He says, "Let us make man in our own image and likeness." Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre propre ressemblance. That image and likeness is a spiritual image. Cette image et une ressemblance, c'est l'image spirituelle. It is not this flesh that returns to dust. Ce n'est pas cette chair que nous avons. And so, the day of the wedding of the Lamb of God. Alors, le jour du mariage de l'agneau de Dieu. That is the day the church will wear the image of God. C'est le jour où l'église va porter l'image de Dieu. Because no more death can touch her. Car personne ne pourra la toucher. The wages of sin is death. Le salaire de la mort, c'est la mort de Dieu. That is the day Jehovah comes sin. C'est le jour où Jehovah a vaincu le péché. That's why in my 7 years in Israel. C'est pour ça mes 7 années en Israël. When my friends invited me to their weddings. Quand mes amis m'ont invité au mariage. The peak of the wedding. Le point fort du mariage. Is when the bridegroom holds the bride. C'est lorsque l'époux tient l'épouse. And they dance, then he jumps up, he crushes a glass. Et il danse et il casse un verre. That is what you see in 1 Corinthians chapter 15, verse 56. C'est 1 Corinthiens 15, verset 56. Oh death, where is your sting anymore? Il dit, oh mort, où est ton écharpe? You cannot touch my bride no more. Tu ne peux plus toucher mon épouse. Oh death, where is your victory now? Il dit, mort, où est ta victoire maintenant? You will not be able to touch my bride anymore. Tu ne seras plus capable de toucher mon épouse. That is the peak of the wedding. C'est ça le temps fort du mariage. The rabbi is coming for the church. Le voleur vient pour l'église. The teacher of law is coming to the church. Le voleur vient pour l'église. He is coming for the church. Il vient pour l'église. He is coming for his bride. Il vient pour son épouse. And on that day, et en ce jour-là, when he holds his bride, quand il tiendra son épouse, the glorious church, l'église glorieuse, the holy church, l'église sainte, the righteous church, l'église juste, the radiant church. L'église brillant church, l'église brillante, the victorious church, l'église victorieuse, the triumphant church, l'église triomphante. No more sin, plus de péché, no more death, plus de mort. Can touch you, pourra vous toucher. I want to finish on that note. On va terminer sur cette note. I don't come to play games with you, precious people. Je ne viens pas pour faire des jeux bien-aimés. But now the job is yours to run around with it. Maintenant, c'est à vous de marcher avec ça. Because for me, I will leave the land. Pour moi, je vais quitter la terre. Oh, I will wash my hands so well. Je vais vraiment bien nettoyer mes mains. I will bless the holy name of Jehovah. Je vais bénir le saint nom de Jéhovah. I will say Jehovah. Je dirai Jehovah. I danced there a holy dance. J'ai fait là-bas une danse sainte. The things of the world did not compromise me, did not corrupt my heart. Les choses du monde n'ont pas corrompu mon cœur. But I danced the holiness. J'ai dansé la danse sainte. Now they